Chapitre 52 des Essais de Montagne, livret A. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Hassan Ahmed. Essai par Michel Hakim de Montaigne, livret A. Chapitre 52 de la parcimonie des anciens. Atelius Regulus, général de l'armée romaine en Afrique, au milieu de sa gloire et de ses victoires contre les Carthaginois, écrivit à la chose publique qu'un valet de labourage, qu'il avait laissé seul au gouvernement de ce bien, qui était de tous ses arpents de terre, s'en était enfui, ayant dérobé ses hippies à labourage, et demandé congé pour s'en retourner et y pourvoir, de peur que sa femme et ses enfants ne n'eussent à souffrir. Il sonna pour vous à commettre un outre à la conduite de ses biens, et lui fit rétablir ce qui lui avait été dérobé, et ordonna que sa femme et enfants seraient nourris aux dépens du public. Le vieux Caton revenait d'Espagne consul, vendit son cheval de service pour épargner l'argent qui le coûtait à la ramener par mer en Italie, et être au gouvernement de Sardaigne, faisant ses visitations à pied, n'ayant avec lui autre suite qu'un officier de la chose publique qui lui portait sa robe et un vase à faire de sacrifice. Et le plus souvent, il portait sa malle lui-même. Il se vantait de n'avoir jamais eu robe qui coûtait plus de 10 écus, ni avoir envoyé au marché plus de 10 sols pour un jour, et de ses maisons aux champs qu'il n'en avait aucune qui fût crépie et enduite par dehors. Scipio Aemilianus, après 2 triomphes et 2 consulats, alla en location avec 7 serviteurs seulement. Antiac Homer n'en eut jamais qu'un, Platon 3, Zénon, le chef de la secte stoïque, pas un. Il ne fut taxé que 5 sols et demi pour jour à Tiberius et Racus, allant en commission pour la chose publique, et alors le premier homme des Romains. Fin du chapitre 52.